Bon, si on considère que tout est marqué, il faut partir de ce base-là. Si tout est marqué, le mieux qu'on peut se faire dans notre vie, c'est apprendre à lire dans les événements. Donc, apprendre à lire dans comment ça se passe, pourquoi ça se passe, puis où ça mène. Il n'y a pas de hasard. Tout ce qui se passe de négatif ou de positif dans votre vie a une importance intelligente. Je ne peux pas dire que c'est bon ou c'est mauvais. Je peux juste dire que c'est intelligent. Puis intelligent, c'est bon et c'est mauvais. Il faut comprendre qu'intelligent, ce n'est pas juste bon. On vit des choses qui sont intelligentes, mais qui peuvent être extrêmement négatives pour nous développer de la colonne, pour nous développer de l'identité, pour nous développer une autorité dans la vie. Il faut bien comprendre que quand on dit qu'on vit du positif, on renforcit comme une capacité de rayonner ou de vibrer, entre guillemets, positivement, mais que quand on est exposé à des expériences négatives, c'est pour forger notre volonté, pour forger notre centre de gravité, puis apprendre à avoir plus de présence. En général, quand ça fait mal, on est assez contracté, merci, et on est donc conséquemment concentré. Contraction, concentration, c'est proche parent. Ça, c'est lié au fait que on est effectivement, à un moment donné, de notre vie trop dilatée, et puis qu'on a besoin de certaines expériences, entre guillemets, négatives, pour avoir un peu plus de focus, puis un peu plus de présence. Donc, je donne ça en prérequis pour comprendre qu'un destin, c'est pas parsemé de facilité. C'est parsemé à la fois de facilité et d'obstacles, et que ça, c'est intelligent. Nous autres, on a, entre guillemets, la responsabilité d'apprendre à lire. Les forces nous placent les événements, nous indiquent une direction à prendre, nous imposent des obstacles, puis nous imposent aussi des solutions. Parce que devant l'obstacle, à un moment donné, on peut être à ce point découragé et désespéré qu'on pense que c'est inaccessible ou impossible d'atteindre tel ou tel objectif. Et puis, s'ils voient que vous lâchez trop prise, ils vont vous remettre un petit peu de feu en vous donnant des solutions qui vont venir par les autres, qui vont venir par les événements. Puis, il faut que vous appreniez à lire les occasions de vous en sortir pour pas qu'ils vous laissent tomber. En voulant dire, pour pas que votre destin devienne un cauchemar, parce que là, vous entretenez trop l'élément négatif, puis vous prenez pas les perches qu'ils vous donnent pour vous aider à sortir du trou. Tu sais, les gens qui s'enferment jusqu'au point de développer des tendances suicidaires, bien, ça vient d'une attitude dans leur destinée où ils mettent trop l'accent sur les événements négatifs, puis pas assez sur les événements qui ont un caractère, disons, on va dire, positif, intelligent, qui lui tendent des perches pour se sortir d'une situation. Parce que la vie, c'est équilibré autant en charge négative qu'en charge positive. Donc, autant en événements négatifs qu'en événements positifs. Il n'y en a pas plus qui sont négatifs, comme il n'y en a pas plus qui sont positifs. C'est proportionnel. Donc, quand vous faites des bons coups dans la vie, vous pouvez vous attendre à avoir des plus gros tests. Plus ça va bien, plus ça va aller mal. Puis plus ça va mal, plus les tests, si vous les passez, plus vous allez être fort. Puis plus vous allez être fort, plus vous allez pouvoir bénéficier de charges positives extrêmement puissantes qui vont avoir un effet d'entraînement sur votre environnement. OK? Bon, ça, c'est le prérequis de la conférence là, pour comprendre comment ça marche le destin. Fait que un destin, quand quelqu'un dit « moi, ma destinée est difficile », ben c'est qu'en général, dans sa vie, la personne est placée pour vivre des expériences négatives pour renforcer son mental. Renforcer son mental, ça veut dire développer plus de focus, développer plus de volonté que d'intelligence, avoir une aptitude plus à l'exécution qu'à la conception, parce que pour développer un mental de conception, il faut avoir une expérience de vie qui est plus axée sur le positif et donc plus axée sur l'intelligence. Il y a des gens qui sont moins intelligents, mais ils sont plus volontaires que d'autres qui sont bien intelligents, mais qui n'ont pas de volonté. Parce qu'ils sont plus, les gens intelligents sont plus des concepteurs que des exécutants. Et les gens qui sont plus dans l'exécution, ben, c'est des gens qui sont nécessairement plus axés sur le focus, la concentration, et puis, qui s'affichent avec beaucoup d'autorité dans les obstacles. Il y a beaucoup de films qui sont faits sur des notions de courage, surtout quand on parle de films de guerre, des choses du genre. Et les situations où on voit plus des éléments d'intelligence, ben c'est plus type science-fiction où on met beaucoup l'accent sur les solutions électroniques, informatiques, les affaires où ça demande réellement du génie pour se sortir d'une situation. Fait que ces deux types de destinées, ça peut être mêlé un dans l'autre. Une personne ne peut pas être exclusivement intelligente puis peur de volonté. Ça ne serait pas vivable. Elle mourrait très vite. Puis tu ne peux pas être juste dans de la volonté parce que tu vivrais une vie carrément infernale. Et puis peut-être tu aurais des obstacles tout le temps, sans arrêt, non-stop. Il n'y a pas un être humain qui pourrait respirer là-dedans. Fait qu'il faut qu'il y ait une part d'intelligence dans votre vie, puis une part de charge négative, donc qui donne des obstacles que vous avez à vous affranchir dans la vie. Mais là où l'intelligence, dans le sens de la conscience ou de les forces apparaissent, c'est dans le comment vous traversez les obstacles, puis c'est dans le comment vous vous servez de l'intelligence. Il y a des gens qui peuvent faire du pouvoir avec de la volonté, puis il y a des gens qui peuvent faire du pouvoir avec l'intelligence. Dans le sens que si votre vie est excessivement positive, vous pouvez devenir très, très, très, très hautain, très écrasant par votre indifférence puis votre nez en l'air. Comme si vous êtes extrêmement négatif, vous pouvez devenir très, très condescendant sur les gens qui n'ont pas de force de caractère pour s'actualiser. Et puis, dans les deux situations, excessivement négatif ou excessivement positif, vous pouvez avoir des comportements qui sont, on va dire, anti-humains, dans le sens qu'ils ne sont pas associatifs. Ça se passe comme ça commence, c'est dans l'événement qu'on situe ce phénomène-là. Quand vous venez au monde, on calcule votre carte du ciel, on fait vos prévisions sur un thème personnel à partir du moment où vous respirez. Donc, c'est à partir du moment où vous êtes en échange avec l'extérieur. OK? Ça se passe comme ça commence toujours par un échange. Fait qu'un échange avec votre environnement, même si c'est un contact, exemple, avec l'achat d'une maison, ça reste qu'il y a un changement d'environnement, vous restez dans une maison, vous allez déménager dans une autre, dans le nouveau type d'habitation, où la dynamique dans laquelle ça va se passer au tout début, c'est comme la respiration. L'événement, là, la journée où vous allez faire les moves, la journée où vous allez découvrir que, bon, c'est ça que vous allez faire comme mouvement, pas que vous pensez. La pensée qu'on va le faire, ça, c'est l'équivalent à la conception. Tu sais, ça prend un mois de mettre un bébé au monde, là, mais c'est pas pendant le temps qu'on pense le bébé puis qu'on le fait se générer qu'il est au monde. Il est au monde au moment où il vient au monde. Fait que le temps où vous pensez, disons, exemple, acheter une maison, c'est pas un temps d'action, c'est un temps de conception. Donc, ça commence pas là. Ça peut représenter le comment vous commencez votre recherche, mais ça peut pas représenter l'achat de la maison. Vous me suivez? Par contre, quand vous achetez la maison, quand vous êtes dans le mouvement de faire l'achat, de signer, le comment ça se passe dans la journée puis dans les deux, trois jours qui suivent, ça va être la destinée de votre achat. Vous me suivez? Mais tu ne peux pas lire ta destinée avant d'avoir fait le move. Bien important, ça. Parce que vous êtes dans la conception. Le bébé peut mourir sur la table d'opération. OK? Vous pouvez vous faire vivre devant le notaire puis dire, ben moi, je ne l'achète pas. Fait qu'il n'y a pas de naissance, là. Il y a simplement une gestation qui ne s'est pas rendue à terme. Vous me suivez? Mais vous pouvez faire une étude du « ça se passe comme ça commence », du mouvement de la recherche. Ça ne dira pas comment ça va se passer si la recherche aboutit à quelque chose de négatif, parce que vous aurez juste vu comment ça se passe dans votre recherche. Vous me suivez? Mais ça n'établit pas là, qu'est-ce qui va se passer si vous auriez fait l'achat. Vous ne le saurez jamais. Faut le faire, faut mettre le bébé au monde, puis c'est là qu'on peut avoir le « ça se passe comme ça commence ». Vous me suivez? Qu'est-ce qu'on peut analyser avec « ça se passe comme ça commence » ? Tous les mouvements à conséquence. Vous faites une association avec une personne, puis l'association, quand elle est faite, dans les premiers pas de la dynamique de l'échange, vous allez savoir exactement comment le plan de vie de l'événement va se développer. Fait, tu prends n'importe qui avec lequel tu dis, bon, ben là, moi, j'aimerais ça faire des affaires, ou comment ça se passe, la dynamique, si je fais des affaires avec, puis vous allez sentir dans le rapport que vous avez dans l'alliance ou dans l'association, vous allez sentir tout l'événementiel qui va se coller à l'expérience d'association. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu es dans un rapport avec une personne, avant de faire un mouvement qui peut avoir des conséquences sur une vie, il faut qu'il y ait des conséquences dans l'échange que tu as, dans la gestation, qui va prédisposer à un contrat. tu sais, comment je dis, tu sais, le contrat qu'on a là, il a été preview, là, il a été comme pré-développé à partir d'un événement qui correspond pas à la bourse. Je me souviens quand on avait fait une grosse perte l'année passée, j'ai 29 chats qui sont morts d'un mois. Fait qu'il y avait un rapport encore avec les chats. Les chats qui meurent, la perte, il y avait un rapport, il y avait un gros lien par rapport à ça. Ce qui veut dire que quand vous êtes capable de lire dans l'occulte, c'est qu'en général, vous êtes capable de lire dans les événements. Il y a bien des gens qui vont dire, mais non, il y a une lecture occulte. Non, j'ai pas vraiment une lecture occulte. C'est que ça, cette affaire-là, ça se passe comme ça. Comment? Je l'ai toujours dans la tête. Je regarde toujours à l'origine d'un échange que j'ai avec quelqu'un, quel genre d'emmerde je vais avoir toute ma vie à cause que ça s'est passé de même quand ça a commencé. Comprends-tu? Fait que, tu sais, j'étais en relation avec une autre personne, là, puis ça a commencé, c'est une base de développement. Ça fait 6 ans, je pense, puis c'est toujours du développement, puis je peux pas imaginer que ça va passer à autre chose que du développement. OK? Fait que c'est comme, ça se passe comme ça commence. Fait que la dynamique d'une personne qui pense que ça change, faut qu'elle change la nature des événements dans son relationnel pour que ça ait un nouveau départ. Fait que ça, la vie vous permet des fois, mettons que vous êtes avec quelqu'un en couple, vous vous séparez, puis vous vous retrouvez plus tard. Charlie, il a vécu avec sa femme. Il l'a perdu un bout de temps, ça l'a obligé à réaligner ses perceptions, sa lecture, puis ils se sont recréés un nouveau départ, puis là, ben, ils sont en relation ensemble. Ça efface pas complètement le départ du premier, mais ça donne une occasion de mourir dans le premier départ pour renaître dans un deuxième. Vous me suivez? Fait que là, ça recompose une sorte de nouvelle destinée dans l'événementiel. Puis là, on peut dire, à ce moment-là, sur le deuxième départ, ça se passe comme ça commence. Mais il fallait qu'il y ait une mort avant. Une mort de comportement, une mort d'attitude, une mort de comment ça se passe psychologiquement. Vous me suivez? Mais faire l'autopsie de quelque chose qui commence, ça demande de lire au-delà de la forme. C'est l'attitude mentale qu'il faut que vous soyez capable de lire. L'événement, ça peut être tricky, tu sais. Le gars peut avoir, dire, ah ben, hey, moi, il chargeait 800 piastres, blablabla, tu sais, il peut avoir tout ça de comportement. C'est dans la lecture du psyché de la personne ou de la psyché de l'événement qu'il faut que vous soyez capable de lire. Si vous êtes capable de lire ça, ça se passe comme ça commence. Si vous êtes capable de lire ça, vous lisez une vibration. Si vous lisez une vibration, bien là, vous allez être capable de lire les événements qui vont coller à la vibration, parce que l'événement, elle, est le prolongement d'une vibration. Et puis, vous pouvez avoir quasiment, entre guillemets, la garantie d'un résultat, entre guillemets, positif ou négatif, dépendant de ce qu'il y a à vivre dans la dynamique de ça se passe comme ça commence, juste en étant capable de lire la vibration, parce que dans la vibration, vous avez tous les événements négatifs et tous les événements positifs. Fait que la dynamique, donc, du concept du destin, il faut tout comprendre que tout est marqué, que vous ne pouvez que lire, vous ne pouvez pas rien changer, mais de bien lire, ça vous permet de changer votre attitude face à l'avenir, donc votre façon de vous décourager ou de régulariser votre enthousiasme, puis ça vous permet surtout de voir quelle est la portée de l'impact. C'est-tu un impact qui a beaucoup de conséquences ou ça a très peu de conséquences? Vous me suivez? Pas vraiment. Si vous avez des questions, je n'y vous pas, ça me dérange pas de m'arrêter là pour répondre. Parce que c'est bien, bien subtil. Puis c'est lire une vibration pour beaucoup de gens, c'est bien abstrait. En général, pour les gens, c'est lire dans forme. Mm-hmm. Comment tu fais pour le regarder quand il y a plus qu'une personne? Bon, un événement, c'est composé de personnes. Un événement, c'est à cause de toi avec les personnes. Okay? Il y a toi qui est disponible à vivre un événement. Puis qu'il y ait une ou 200 personnes, c'est toujours un événement. Puis c'est toujours toi par rapport à l'événement. C'est jamais toi par rapport à une personne strictement. Fait que si toi, dans ta relation avec la personne avec laquelle tu composes bien, ben tu veux faire une entente strictement avec cette personne-là, c'est toujours toi qui te proposes seul à seul. Ou que si tu le fais pas, c'est parce que toi-même t'es pas assez défini puis t'as besoin des trois autres pour des raisons qui peuvent être d'ordre économique. Puis c'est toujours le fait que c'est pour des questions d'ordre économique qui est au niveau de la vibration qui fait que tu te fais imposer trois personnes puis qui fait que tu seras pas parfaitement maître de comment ça va se développer. Ça, c'est comme ça, moi, je le lis. Mais je lis pas ça en termes de trois personnes comme une personne chaque. Je vis ça comme un événement qui se compose avec trois personnes. Moi, je pars toujours du principe que les choses qui se passent dans la vie, dans votre vie, c'est à cause de vous autres. C'est jamais à cause des autres. Les autres sont simplement des éléments pour vous permettre d'articuler un événement. Tu peux jamais dire « c'est de ta faute ». Tu peux juste dire « je t'ai laissé faire ». Puis ça, c'est de votre faute. Vous me suivez? Si quelqu'un vous influence parce que vous n'avez pas de centre de gravité, c'est votre crise de ball game. C'est pas la faute à l'autre, ça, là. Si vous avez un bon centre de gravité, toi, si c'est un bon centre de gravité, tu dis, moi, je peux dealer avec lui, mais je peux pas dealer avec les deux autres. Ben, si c'est un bon centre de gravité, tu laisses pas passer les deux autres. Peu importe tes conditions économiques. Mais si t'as pas de centre de gravité, tu vas dire, je peux pas me priver des investissements que l'autre peut faire dans ma vie, des deux autres. Là, tu vas laisser faire. Puis si tu laisses faire puis que ça va mal, ben, ça va être de ta faute. Ça sera pas la faute aux deux autres. Les deux autres, qui étaient ce qu'ils étaient. Là. Ça annonçait pour ça, puis t'as fait une lecture comme quoi ça pouvait être un problème, puis là, ça s'installe dans ta vie. Votre vie, elle se passe comme vous la lisez. Comment vous faites votre lecture des événements passés et futurs, et conséquemment présents, parce que ça se passe à un moment donné dans les actions présentes, c'est votre vie. C'est pas la faute à personne. Vous pouvez pas accuser vos pères, parents, amis, les gens avec qui vous travaillez. Non, ben, tu sais, je te dis ça, c'est parce qu'il y a bien du monde que si ça va pas bien dans la vie, c'est toujours la faute à quelqu'un. Mais ça se passe comme ça commence, ça commence là où tu commences. Tu dis, moi, je veux pas que ça soit quelqu'un qui interfère dans ma vie pour X raisons. Ben, Christ, tu flushes tout puis tu recommences à zéro avec toi-même tout seul. Puis toi-même tout seul, tu vas toujours être obligé de te mettre en échange avec d'autres sur des bases qui peuvent être différentes, mais ça va toujours être qu'est-ce que tu laisses rentrer, puis qu'est-ce que tu fais comme qu'est-ce que tu mets pour faire un échange, parce que tu vas toujours être obligé d'échanger dans la vie, t'as pas le choix, t'échappes pas à ça. Est-ce qu'on comprend? Bon, d'autres questions, un couple, mettons, il y a bien des gens qui disent je veux rencontrer quelqu'un. Rencontrer quelqu'un, c'est facile, tu t'en vas dans la rue, tu rencontres quelqu'un, c'est plein de monde à rencontrer. Mais vous avez des critères. Il y a des affaires qui passent, des affaires qui passent pas. Quand vous êtes jeune, vous êtes naïf, vous laissez passer pas mal d'affaires. En vieillissant, vous avez des critères. Puis là, ben, vous commencez à dire, non, moi, ça, je veux pas vivre ça, ça, je peux pas vivre ça, puis ça, je veux pas vivre ça. Mais avec tout ce que vous voulez pas vivre, que vous voyez que ça part à partir de vous-même, là, tu dis, je rencontre pas personne. C'est sûr, parce que ce que tu veux vivre, t'es pas équipé pour le vivre. Tu veux ça, mais t'es pas équipé pour vivre ça. T'es pas outillé pour vivre ça. Fait qu'étant pas outillé pour vivre ça, ben, l'événement se présente pas. Parce que t'as bloqué que tu peux vivre. En bloquant tout ça que tu peux vivre, il te reste juste les choses que tu peux pas vivre, que tu dis, c'est celui-là que je veux vivre. Mais ça, ce que tu veux vivre, ça, c'est bien beau. Moi, je peux rêver de m'acheter une Lamborghini pis pas avoir les moyens, tu sais. Le gars, il a de la misère à payer ses cartes de crédit, Chris, puis il va avoir une Lamborghini de 250 000 $. Tout le monde va avoir une Lamborghini tant qu'à y être, ou tout le monde va avoir une maison d'un million. Tu sais, mais tu peux pas le vivre, parce que t'as pas la structure pour le vivre. Puis il y a l'autre affaire, que t'as les moyens, tu le veux, puis une fois que tu le vis, tu te dis, c'est pas ça que je veux vivre. Puis là, tu te surprends que tu es en train de le perdre. Ben oui, c'est parce qu'une fois que tu l'as, tu commences à penser que tu le veux plus. Ça part toujours de ta tête. Tout ce qui se passe dans votre vie, ça part de vous autres. Fait que ça se passe comme ça commence, mais ça peut commencer pour vous mettre en initiation aussi. Puis une initiation, c'est toujours bon, parce que ça vous fait faire des prises de conscience. Hein? On s'entend. T'sais, le gars, il dit, je veux me marier. Une fois qu'il est marié, au bout de 3-4 ans, il dit, sacrement, c'est la coûte donc bien cher. C'est-tu dur à vivre avec un peu? Je pensais pas qu'il fallait vivre ça juste pour le sexe, ça n'a pas de Saint-Bassan. Puis là, au bout d'un autre 3 ans, il dit, non, moi, je veux plus vivre ça. Là, c'est la mort célibataire. Pas ça que je voulais. Ben oui, c'est ça que tu voulais, t'arrêtais pas de chialer. Comprends-tu? C'est pas qu'est-ce que c'est théoriquement dans votre tête, c'est comment vous posez vos actes, c'est quelle attitude vous avez, c'est comment vous êtes mis en vibration. Vous pouvez pas être avec quelqu'un puis toujours être en colère, même si vous lui dites pas puis vous faites un sourire, la vibration est là, puis l'événement se forge là-dedans. En général, ça, tu le sais au commencement, malgré que le monde sont tellement idéalistes qu'ils lisent pas ça, parce qu'ils vivent plus dans l'idée de la vie que dans la pratique de la vie. Tu sais, l'idée de la vie, c'est comme à la bourse. On veut que le stock qu'on a acheté à 5 piastres, il monte à 8 piastres. Ça, c'est ce qu'on veut. Mais le stock à 5 piastres et 80, il a sa dose. Et là, on ne sort pas là parce que toi, c'est 8 piastres que tu veux. Là, ça commence à redescendre, puis là, tu perds de l'argent. Pourquoi? Parce que 5,80, c'était là, il fallait que tu vendes. C'est quoi ton problème? C'est que tu vis dans un monde d'idées, puis tu ne vis pas dans le monde de la réalité. La réalité, c'est le mouvement. Fait que ça se passe comme ça commence. Ça peut commencer bien, finir très, très mal, parce qu'à un moment donné, tu es en mutation hein, dans un événement, puis dans ta mutation de l'événement, tu passes de la réalité à l'idée, ou tu es parti avec une idée, c'est encore pire, puis tu restes collé à l'idée. Puis là, tu n'es plus capable de lire l'événement, dans le sens du mouvement dans l'événement, ou si vous aimez mieux, dans mon langage à moi, la vibration dans l'événement. Puis apprendre à lire dans la vibration, c'est ce qui vous permet de lire votre destin. Puis pourquoi les événements de la vie vous placent en négatif pas en positif? C'est aussi important de savoir pourquoi la vie vous favorise une situation. Parce que oubliez pas une chose, les fosses, là, ils font pas de gaspillage. C'est que s'ils vous rendent la vie facile, c'est parce qu'ils ont l'ouvrage à vous faire dans ce coin-là. Ah, c'est facile, ouais, c'est facile. Check back game, toi. Une fois que tu vas avoir réussi, qu'est-ce qu'ils vont t'imposer comme... T'sais, ils peuvent très bien, je sais pas, moi, te faire gagner 1 million pour commencer à aider du monde... faire une fondation ou quelque chose du genre, parce que là, tu vas regarder où, tous les impôts que tu as payés. Tu dis, pour sauver de l'impôt, il faut que j'aille une fondation du quelque chose. Fait que fondation, il y a du cœur, plutôt que la fondation du cœur. Fait que c'est le destin. La vibration initiale. Comment on lit ça, une vibration? Bon, c'est sûr que ça, c'est la recherche que tout le monde a quand il rentre dans la conscience. C'est comment est-ce qu'on est capable de savoir que c'est une vibration et que c'est pas une émotion. L'émotion, c'est ici, là, ça fait chaud à Beden. Vous avez des effets au plexus. Puis en général, quand vous êtes sur une perception vibratoire, c'est vous pouvez avoir mal à la tête, mais généralement, c'est mental. C'est réellement ici. Là. T'sais, vous allez vous ferez pas ça. Ça, c'est l'hyperacidité. Puis, si vous êtes dans une vibration, c'est à la tête que vous allez vous frotter. T'sais, vous allez dire, bon, qu'est-ce qui se passe, là? Moi, quand j'arrive pour mes conférences, là, c'est pas à Beden, je me frotte, là. C'est à la tête, là, tu sais. Puis, la vibration, ça atteint pas les régions du corps down. Ça atteint les régions du corps qui sont au niveau de la tête, donc de l'esprit, de comment la vibration descend, elle va se transformer en pensée. Puis, tu sais que la pensée qui vient, c'est eux autres quand tu sais que c'est des pensées qui ne viennent pas de toi. Quand c'est pas des pensées qui sont réflexives, dans le sens que tu ne peux pas réfléchir la pensée, là, c'est comme un commandement. Tu sais, ça dit les choses, puis ça se négocie pas. Là. Ça, c'est une vibration. Fait qu'une personne qui est capable de lire une vibration, elle lit quelque chose qui ne se réfléchit pas. Bien important, ce critère-là. Et puis, quand ça commence, n'importe quoi qui commence, ce que vous lisez dans un commencement, c'est... c'est comme quelque chose qui n'est pas faisable, puis qui va se faire, puis que vous devez savoir que ça va se faire, même si vous pensez que ça ne se fera pas. Tu sais, je ne sais pas... Ça, c'est le genre de femme qui rencontre un gars, elle dit, « Ouais, c'est... » Ils me disent que c'est un gars avec qui je vais avoir une grosse expérience de vie, là, tu sais. Tu dis, ça peut pas se faire. Là, après ça, ton égo embarque, puis là, tu commences à penser que tu vas le marier, puis ça n'a pas besoin nécessairement de passer par cette forme-là pour que l'événement se passe. T'sais, l'événement peut passer, c'est une vibration qui a peut-être, exemple, juste un voyage que vous faites, un voyage organisé de 14-15 personnes, vous allez en camping, le kit, puis ça donne qu'il te sauve la vie, là, tu es en train de débouler, là, puis il te ramasse, puis là, tu sais que t'avais affaire, tu dois la vie, là, t'avais affaire à tomber, puis tomber d'aplomb, là, tu tombais dans une falaise, il t'a ramassé juste à temps, puis c'était juste ça. Mais toi, tu te voyais avec deux enfants, là, là, là. T'sais, ça, c'est l'idée, là. C'est le monde de l'idée. Tandis que la vibration, là, ça peut être simplement un nucléus, là, tu sais. Tu captes quelque chose d'important que tu peux pas définir une forme ou un événement particulier, mais tu sais que c'est ça. Puis tu peux pas questionner ça, ça peut pas s'habiller ou s'habiller de quelque façon que ce soit. Et puis, ça se développe dans l'événement, au fur et à mesure qu'il y a un jeu de participation, puis il peut y avoir une très grosse vibration entre les deux individus, puis la grosse vibration, une fois que le gars va y avoir sauvé la vie à la fille, ça va être fini, il n'y aura plus rien après. C'était juste pour ça. Vous suivez? Bon. C'est donc, être capable de lire une vibration initiale, ça, on ne peut pas mettre de forme là-dessus. On peut juste être annoncer une expérience à vivre, qui est au niveau d'une vibration, puis plus vous êtes capable de ne pas réfléchir, plus ils vont vous dire qu'est-ce que c'est. Un gars comme moi, là, qui était capable d'être assez dans le pas croire ce qu'ils disent, ils peuvent me dire exactement comment ça va se passer. Fait que là, ça tombe dans une médiumnité, mais je deviens médium, pas parce que j'ai un talent, je suis médium simplement parce que je ne crois pas. Moins vous croyez les forces, plus ils sont précis. Quand tu ne crois pas, là, que tu n'es pas dans l'affaire de vouloir avoir raison, puis tu n'es pas réflectif, puis que tu n'es pas dans cette recherche de pouvoir de l'information, là, tu peux être informé dans des petits détails, là, c'est très, très impressionnant. Mais il ne faut pas que tu sois dans une réflexion. Il faut que l'information passe comme si tu lisais ça dans le journal. That's it. C'est sûr que vous allez le vivre à l'occasion dans votre vie. Dans ces occasions-là, là, que vous vivez cette vibration initiale-là, là, vous pouvez voir vraiment que tout est marqué. Vous pouvez voir que tout le futur de l'humanité est tout marqué d'avance là, dans les moindres petits détails. C'est très, très impressionnant. Par contre, pour l'ego, c'est très, très frustrant dans certaines occasions, puis c'est très sécurisant dans d'autres. C'est frustrant parce que là, tu vois que tu peux pas faire ce que tu veux. Puis c'est extraordinaire dans le sens que si t'es à mourir, tu peux pas y échapper. Puis c'est pas de ta faute. Tu peux pas te tuer par ta faute. Tu peux juste te tuer parce que c'est ton temps. T'sais. Comme si t'es pas riche, pas de ta faute. Puis si t'es riche, t'es encore pas de ta faute. Ça, c'est plus frustrant. T'sais. Parce que tu peux toujours penser que t'es riche parce que t'as eu ci ou t'as eu ça. Mais ça reste que la vibration initiale, elle établit tout votre futur, toute votre destinée, votre passé s'explique tout par les mises en vibration que vous avez connues dans votre enfance, l'éducation, les parents, etc., etc. Est-ce que ça se défait? Non. Est-ce que ça se lit? Oui. Est-ce que ça change quelque chose de savoir lire son passé ou de savoir lire son avenir? Pour moi, oui, parce que ça m'empêche de faire une anxiété extrême sur des situations que je figure impossibles à dépasser. C'est fait que quand le miracle se fait, je me dis tout le temps, sacrément, ça se peut-tu, tu sais, qu'ils réussissent à faire ces tours de passe-passe-là. Puis ils réussissent tout le temps à faire des choses qui sont inimaginables, tu sais, vraiment inimaginables. En tout cas, moi, j'ai cette expérience de vie-là. Puis je peux vous dire une chose, plus vous êtes désimpliqué sur le problème, plus c'est possible d'avoir une lecture du négatif et du positif. En général, les gens veulent des lectures juste sur le positif, mais c'est pas réaliste. Les forces, quand ils vous informent, ils vous informent autant sur le mal que vous avez à souffrir que sur les avantages que vous allez avoir. Fait que moi, je peux être très bien informé sur de la merde qui va m'arriver parce que je pose tel acte. Puis, en dedans de moi, je sais que je peux pas rien changer parce que j'ai pas l'état mental pour changer. J'ai pas le conditionnement psychologique pour me mettre, exemple, dans une zone de soumission pour empêcher l'événement d'arriver. Comprenez-vous ce que je veux dire? Fait que, ça veut dire que la lecture de la vibration initiale, elle peut vous emmener à un état de médiumnité bien avancé, mais vous pouvez quand même pas changer votre destinée. Je sais que c'est frustrant pour l'ego, mais c'est une réalité. La lecture, si elle est importante, parce que là, même si vous acceptez l'idée que tout est fatal, et que les surprises que vous avez, c'est simplement une incapacité de lire, ben, si vous avez une lecture de l'avenir, c'est toujours dans l'échange, donc dans les autres, que ça va être mis en mouvement, en déclenchement. Il faut que ce soit en échange avec quelque chose qui est en mouvement dans la vie pour que la lecture se déclenche. C'est que, moi, souvent, là, ça va me parler en parlant. Je vais parler à quelqu'un. Vous me suivez? Fait que c'est comme si tu te débarrasses de la forme, il te reste juste la vibration. Puis s'il te reste juste la vibration, c'est pas ce que tu fais ou ce que l'autre fait qui est important, c'est comment tu le vis. Puis comment tu le vis, tu sais, j'imagine qu'un gars qui est en couple, sa femme, elle fait pas trop les bons coups, puis le gars fait pas trop les bons coups. Mais de rester ensemble puis de garder l'échange en vie, ça génère un événement qui finit que c'est avantageux pour les deux. C'est ce qu'on vend-tu? Fait que, tu sais, les gens, en général, se tapent dessus parce que, bon, hey, tu fais pas ci, tu fais pas ça, papapapa. Mais les winners dans le lot, là, c'est sûr que malgré les obstacles puis malgré les problèmes, ils restent ensemble puis ils t'offrent la run. Puis l'événement d'être à deux génère quelque chose qui finit par être avantageux. Là, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas pareil partout. Je vous dirais que c'est sûr qu'il peut y avoir un rapport de force qui s'installe qui pourrait faire que la forme est plus importante que l'événement. Ça va tuer l'échange. Mais si vous êtes capable d'aller plus loin que la forme pour lire l'événement, vous allez avoir dans l'événement un avantage qui va finir par ressortir, qui va être bon pour les deux, parce que vous laissez faire le jeu de l'ego pour protéger l'échange. Ça se comprend? Fait que là, j'ai dépassé dans la lecture, ma lecture de l'avenir, qui est dans les autres, est passée de la relation avec la forme à une relation avec l'événement. Puis c'est l'événement à travers la personne que je protège. Je protège dans le sens que je tombe pas à coup de bâton là-dessus, là. Je tombe pas comme un petit phoque. Je donne pas de coup de masse, puis je laisse aller dans l'événement pour qu'il y ait des ajustements qui puissent se faire. Comme si les erreurs, finalement, servaient juste à se comprendre ou à se faire comprendre ou à avoir une lecture de qu'est-ce qui doit se faire avec le temps, éventuellement, après beaucoup, beaucoup d'ajustements. Mais si vous permettez pas à l'échange ou si vous permettez pas le couple, si vous permettez pas la capacité de créer ou d'engendrer une relation qui est engagée, impliquée, si vous permettez pas ça, vous pouvez pas avoir une lecture de l'avenir. Vous pouvez pas avoir d'opinion du couple si vous êtes pas en couple. Vous avez une opinion du couple quand vous êtes en couple. Puis en couple, vous avez une opinion de votre couple, de comment vous faites un couple et de comment l'autre fait un couple. Mais vous avez zéro capacité de faire une analyse du couple si vous n'êtes pas en couple ou si vous n'avez pas vécu un couple suffisamment long pour savoir vraiment qu'est-ce que vous êtes en couple. Donc, si elle a vécu 20 ans de couple, ben, elle peut parler de 20 ans de couple. Mais si elle n'est plus en couple, elle ne peut plus parler de ce qu'elle vivrait en couple parce qu'elle a peut-être changé puis elle ne vivrait plus le couple de la même façon. Hein? Fait que c'est sûr, mais si c'est sûr que tu ne vivrais pas de la même façon, tu sais quand même pas qu'est-ce que tu vivrais parce que tu plonges pas. Puis c'est pas le club l'âge d'or qui manquerait pour aller te chatouiller ou te pincer une fesse, là, tu sais. Il y en a une couple qui dirait, wow, c'était un beau morceau, ça, là, tu sais. Fait que si tu dis non, non, non, mais tu sais pas qu'est-ce que tu veux en couple. Tu sais que tu veux plus quelque chose, mais tu sais pas qu'est-ce que tu veux. C'est simple de même. Qu'est-ce qui est difficile? Dans la lecture, qu'est-ce qui est difficile? Je vais vous le dire tout de suite. Le plus difficile dans une lecture, c'est de ne pas faire entrer vos idées. Vous avez des idées préconçues sur quelque chose qui devrait se faire. Vous voulez que les choses se fassent d'une certaine façon, puis c'est ces idées-là qui vous empêchent de lire. Mouvement dans le couple. Part du principe que ton chum est aiguissable. Il peut pas faire autrement parce qu'il est pas, il peut pas être parfait. Puis que toute amélioration, c'est une raison de vivre à deux. Fait que plutôt que de vouloir un gars parfait qui te sert parfaitement, ben tu regardes un gars parfaitement incapable de te satisfaire, qui quand tu te satisfais, c'est toujours une belle surprise. Faut pas t'être d'idée de préconçue de comment est-ce que l'autre faut qu'il soit avec toi. Si tu pars avec ça, c'est sûr qu'il y a des choses que tu peux vraiment pas endurer. Mais il ne faut pas que tu penses que le « qu'est-ce que tu ne peux pas endurer, ce n'est pas endurable. » Parce que c'est peut-être pas endurable à telle date, puis ça va être endurable plus tard. Chacun ses affaires, hein? On est-tu d'accord là-dessus? Bon, ben pour pouvoir être capable de lire l'avenir, il faut que tu t'engages avec les autres. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se mette en dynamique, là, puis t'es pogné, là. Faut que tu sois pogné. Parce que si t'es pas pogné, c'est facile, tu coupes, puis Christ, tu t'arranges, tu sais, tu t'arranges. Mais quand t'es pogné, là, tu sais, t'es vraiment pogné, là, tu vis une passion, ou tu vis quelque chose où t'es réellement engagé, c'est là qu'il se passe des affaires. C'est cette affaire-là. Fait que vous êtes capable de faire des lectures si vous êtes engagé. Ce qui fait que vous n'êtes pas capable de lire, c'est que vous avez un minimum d'engagement ou le piton facile pour le reset. Vous coupez trop vite. Tu sais, vous dites, ah, moi, j'ai pas le goût de vivre ça, Tu finis que tu n'as tellement pas le goût de vivre ça que tu ne vis rien. Puis là, tu dis, ah, mais je comprends pas comment on peut faire pour évoluer. Mais si tu veux évoluer, Chris, faut que tu souffres. Parce que dans la souffrance, tu vas trouver des solutions. Puis je te jure que ça rend intelligent à Christ de trouver des solutions. Moi, le monde m'arrive et me dit, c'est bien intelligent. C'est intelligent. Je passe mes... Ça fait au-dessus de 30 ans que j'écoute des problèmes, puis le monde vient de me voir à 60$ de l'heure, puis je trouve des solutions. Sais-tu que si m'arrive avec un problème, j'ai affaire à trouver quelque chose, parce qu'au prix que tu payes, là, tu vas en avoir pour ton argent. Fait que faut que je trouve des solutions. Puis imaginez-vous pas que le monde vient de me voir quand ça va bien. Là. Dès qu'il fait soleil, j'ai plus d'ouvrage. Il faut que tu sois détaché du résultat de la pensée. Ça, à partir du moment que tu es détaché du résultat de ta pensée, que tu ne vis pas l'affaire d'avoir raison. Ça, quand tu es dans l'affaire d'avoir raison, il y a un attachement à la pensée. Tu penses que c'est ta pensée, c'est à toi. Tu as les droits d'auteur là-dessus. Là. Ton chum, il ne peut pas penser ces pensées-là. Il y a juste toi qui peux penser comme ça. Là. T'sais, c'est pas un canal universel, c'est un canal privilégié. Là, c'est attendez, regardez de voir comment je marche. T'sais. Ouais. I'm the only one. Là, quand t'es rendu là, t'es dans la merde. Parce que là, le pouvoir, il, comme c'est astral, c'est polarisé. Puis c'est polarisé, on te le donne, on te l'enlève, OK. La game est là-dedans. Ça touche l'orgueil? L'orgueil, c'est de la réflexion. Quand tu es orgueilleux, tu es réflexif. L'orgueil, c'est un attachement que tu as à une idée que tu penses qui est à toi. Donc, quand les gens me parlent qu'ils sont sur le contact, là, j'essaie de voir qu'est-ce qu'ils font en premier avec le contact. Si c'est juste une idée, je sais que c'est pas le contact. Parce qu'un contact ne parle jamais sur quelque chose que tu fais pas. OK? En parterre, là. Fait qu'un contact, là, quand tu dis « je suis sur le contact », là, c'est que il t'envoie la vibration pour qu'elle soit exécutée. Mais s'il t'envoie la vibration puis il n'y a pas d'exécution, il n'y a pas de décision, il n'y a pas d'action, tu peux penser que c'est astral. Là. C'est quoi le but de faire ça? C'est pas eux autres qui envoient une pensée qui se fait pas. Ils envoient une vibration que tu fais pas. Que tu fais pas. Non, c'est pas pareil. Eux autres, pas de problème, ils te l'envoient la vibration. Tu m'as commandé une pizza, OK, lève-la la pizza. Là, tu la manges pas. D'actualisation. Vous devez avoir des pensées qui sont passées à l'action. Si vous avez des pensées qui sont réfléchies, vous amplifiez l'astral en vous autres, puis ça n'a pas de bout. Il faut qu'une vibration, ça soit actualisé. Là, vous avez dit, je ne veux pas faire d'erreur. Ils vont vous faire des erreurs. Parce que ce n'est pas l'erreur dans la forme qui regarde eux autres. C'est comment vous traitez avec l'erreur. C'est comment vous traitez avec la perte. C'est ça qui les importe. Tu tombes à terre, tu vas arriver souvent, tu vas tomber à terre. Ils vont te faire tomber souvent à terre. Les autres, ce qu'ils veulent savoir, c'est comment tu vas te relever. Tous les avantages qu'ils vont vous donner, il va falloir que ça serve à quelque chose. Tout. Vous ne pourrez pas, avec de la conscience, nourrir de l'ego. Oubliez ça. C'est certain qu'ils vont vous mettre dans des obligations avec les avantages qu'ils vont vous donner. Toute forme d'avantage, peu importe la source de l'avantage ou la nature de l'avantage, il va falloir que ça serve à quelque chose d'intelligent. Qu'ils vont vous indiquer en cours de route. C'est ça des lectures. Une lecture, c'est pas nécessairement avantageux pour l'ego, mais à suivre la vibration, ça finit que ça aboutit dans un avantage. C'est ça qui est dur. C'est ça qui est dur. C'est de se défaire du résultat pour une satisfaction animale. T'sais. C'est ça. C'est pas logique. C'est pas toujours logique. C'est pas toujours prévisible le résultat que tu vas avoir. Puis des fois, ça aboutit dans quelque chose que tu sais même pas pourquoi tu as fait ça. Okay. L'impression des fois quand on fait des mouvements, là, on dirait que les mouvements vont vite. Ah, ça va trop vite, ça, c'est parce que c'est la vibration. Le trop vite, en général, c'est une vibration que tu comprends pas. C'est quelque chose qui doit se faire, c'est dans un mouvement, mais il n'y a pas de point de repère pour l'ego. C'est, en général, c'est ça qui fait que ça va vite. Pour vivre du mouvement, faut plus t'inquiéter de la forme. Plus t'inquiéter de la forme, ça fait que ça va vite. Parce que l'ego a plus de mesure. Ce qui fait que c'est à ta vitesse, parce que tu peux mesurer, tu dis, ah, je suis rendu là, là, ça se passe comme ça, tu as une sorte d'impression de contrôle ou de contenance. Mais quand ça va vite, là, c'est comme quand tu vas te faire une chirurgie, là, puis il t'endorme. Mais quand tu t'endormes, là, ça va vite. Quand tu te lèves, il te manque un morceau, il t'a enlevé quelque chose, puis tu t'en es pas rendu compte. Là, t'es parce que c'est une grosse vibration. Quand on est sur une grosse vibration, en général, on voit pas le temps passer. Parce que de l'esprit, c'est en dehors du temps. C'est l'astral qui marque le temps. Tu sais, quand tu vas dire c'est long. Quand c'est long, c'est parce que tu réfléchis, tu penses, tu calcules, puis c'est long, ça alourdit, ça met beaucoup, beaucoup de pression sur l'ego. Il n'y a jamais de valeur à donner à rien. Tu vas mourir anyway. Tout ce que tu fais dans la vie, c'est ce que tu as à faire. Il n'y a pas de valeur à donner. Tu as simplement à vivre. Donner de la valeur, c'est vouloir diriger le mouvement. C'est vouloir que telle chose ait un prix. C'est comme être à la bourse et dire « je veux vendre à 5 pièces et demi. » Puis les forces, ils disent 5 et 30. Il faut que tu vendes à 5 et 30. Puis là, tu viens juste de faire 30 piastres. Tu sais, puis c'est niaiseux, 30 piastres. Ouais, mais c'est mieux qu'une perte de 200, tu sais. La valeur, ça, c'est quelque chose que l'ego a dans sa tête pour avoir un contrôle. Il cherche à avoir le contrôle dans une valeur. La morale sociale, elle peut donner de la valeur à une chose. Mais tu sors la morale, puis que tu rentres dans l'affaire de comment la personne vit sa vie. OK. Moi, pour Equifax, j'étais à haut risque. Puis à haut risque, moi, je trouve ça drôle. Ben, je dis, fuck, à haut risque, je suis capable de vivre. Pour du monde, ingénieur ou quoi que ce soit, être à haut risque, là, c'est comme une faillite. Ben, si tout est relatif, moi, je trouve ça comique. C'est vrai, c'est ma vie, ça, haut risque. Ben, si tu veux embarquer en échange avec moi, il faut que tu sois capable de vivre à haut risque. Sinon, ben, continue à laver ta vaisselle puis tes affaires chez vous, puis à faire ça avec un Equifax à 60%, t'sais. Si tout est relatif. Moi, j'aime mieux ma vie que quelqu'un qui vit avec un Equifax à 80%. Je trouve ça trop métro boulot dodo. Tu me suis? C'est quoi la valeur des choses? Tu sais, la valeur, c'est bien relatif. Une personne va dire on juge quelqu'un par sa régularité. Tu es régulièrement hyperactif. T'es régulièrement à haut risque. C'est régulier, ça. Qu'est-ce qui va te faire évoluer dans la vie? Un fonctionnaire ou bien un individu qui est toujours à prendre des risques pour aller chez les expériences? Ouais, c'est ça. T'auras jamais voyagé comme Bernard de Montréal voyageait. Par contre, tu vas voir ses conférences parce que tu dis, hey, il est hot, le gars. Il est hot parce qu'il prend des risques dans la vie. Il est gros pour ça. Il est capable d'aller se parquer... pendant 3 jours sur une plage où il peut tout se faire voler. Puis il y a bien des gars qui ont essayé de le voler, tu sais. Puis tu te le quittes, puis ça en sort. Ça fait des belles histoires à raconter, mais c'est dur à vivre quand ça se passe. Frère. Surtout que si ça se passe à chaque voyage, tu commences à te demander si c'est pas un destin, tu sais. Okay. Là, après ça, il va te dire, venez-vous en voyage. Ben, on a eu Haïti, là, puis après ça, là, quand on rentre dans le personnel, c'est à copé. Ouais, pas évident, ça. Par contre, c'est le gars qu'on va avoir à la conférence. Parce que il est à haut risque. il te sort l'inertie. On va aller voir des Jacques Villeneuve ou des Schumacher, voir la Formule 1, parce qu'ils prennent des risques, ils roulent à 250-300 km/h, puis on dit, ah, ça, c'est un haut risque. La valeur, c'est tout est relatif. Donc là, je peux l'arrêter.